إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله أحبتي في الله فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ضمن لأمته ثلاثة قصور في الجنة كل قصر منها لمن جاء بخصرة من الخصال التي ربط بها الضمان قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود من حديث أبي أمامة عباد الله فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا أي أنا ضامن بقصر عظيم في أسفل الجنة لمن ترك المراء وإن كان الحق معه والمجادلة والمخاصمة المراء هو المجادلة والمخاصمة التي لا نفع فيها ولا مصلحة فيها فليس فيها إحقاق حق ولا إبطال باطل إنما المقصود المجادل أن يسكت خصمه وأن تكون له الغلبة عليه ومن الحكمة في الحث على ترك المماراة أنها تضيع الوقت وتفسد المودة وربما توقع في القول على الله بغير علم فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا أي يضمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقصر عظيم في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان من باب المزاح ففيه الحث على قول الصدق فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا عباد الله serviteur d'Allah chaque croyant chaque croyante aujourd'hui on va se faire un rappel avec un hadith prophétique de notre prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم un hadith immense où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam va nous parler de trois catégories, de trois personnes qui gagneront la félicité, le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va nous mentionner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous mentionner dans ce récit la première personne qui sera dans ce qu'on appelle fi rabadil jannah. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith il dit « Ana za'imun ». Za'imun, les grands théologiens musulmans ont dit que le terme za'im, c'est dans le sens de kafil, d'amin, dans le sens de garant. Donc le prophète ensemble nous dit dans ce récit, d'une traduction relative et approximative, il nous dit « Je serai garant pour toute personne qui délaissera la polémique, même s'il a raison, d'une place au paradis. Mais le prophète sallam a stipulé « firabadil jannah ». Certains traducteurs traduisent en disant « les faubourgs du paradis », c'est-à-dire les degrés inférieurs du paradis. Et là, on comprend dans ce hadith immense que dans le paradis, dans cette immense récompense qu'Allah Jalla wa Ala a réservée pour les croyants, il y a des degrés. Et là, le prophète sallam nous dit « firabadil jannah », dans le sens, dans le plus bas degré du paradis. Donc le prophète sallam est garant d'une place dans le plus bas degré du paradis. Donc toute personne veut accéder à ce paradis. Toute personne, tout croyant, vous êtes là aujourd'hui, et on est là aujourd'hui parce qu'on veut la récompense d'Allah Azza wa Jal. On veut le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète sallam nous dit que toute personne qui va délaisser ce qu'on appelle al-mira, al-jidal, la polémique, le fait de débattre pour des choses qui n'ont pas d'importance, qui ne sont pas utiles et pas bénéfiques, même si la personne a raison, elle va délaisser cela, alors le prophète lui garantit. Il est garant. Et c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qui dit cela. Celui qui était envoyé de la part d'Allah azza wa jal. Le prophète te garantit une place dans les bas degrés du paradis, au paradis, si tu délaisses al-mujadala ou al-jidal, ces polémiques qui n'ont point d'importance et qui sont point utiles, il te garantit une place au paradis. Même si tu as raison. Même si la vérité est avec toi. Et les grands théologiens musulmans nous expliquent que ça fait partie des nobles caractères et des bons comportements. Pourquoi ? Parce que parfois, lorsqu'on polémique avec une personne, notre attention est juste de l'emporter. Et donc ça, les savants nous expliquent que ça peut briser le cœur de celui qui est en face de nous. Et le musulman, lui, il ne doit pas, et il ne veut pas, surtout pas, briser le cœur de ceux qui sont en face de lui. Alors, la personne qui est bienveillante, le fait qu'il ne veut pas briser les cœurs, il ne veut pas s'élever au-dessus des autres, le croyant est une personne modeste, donc il va délaisser la polémique et les faux débats, même s'il a raison. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبيبنا وقدوتنا وإمامنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في هذا الحديث العظيم وببيت يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضمن لنا هو ضامن صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببيت في وسط الجنة في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. Ensuite, le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, et là je vous garantis, le prophète est garant, ببيت. Donc littéralement, on traduit par une maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et je vous garantis une maison dans les degrés fi wasatil jannah, au milieu du paradis, c'est-à-dire dans les degrés médianes du paradis, pour celui qui va délaisser le mensonge, même s'il plaisante. Donc regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous promet et nous garantit une maison dans les degrés inférieurs du paradis pour celui qui délaisse les fausses polémiques. Même s'il a raison. Et il nous promet, il nous garantit une maison, fi wasatil jannah, pour celui qui va délaisser le mensonge, parce que le musulman ne ment pas, en toute situation. Et le fait de mentir, même en plaisantant, on est en train de s'habituer à mentir. Et ensuite, on perd notre crédibilité en face des autres. Donc ça fait partie des nobles comportements que le prophète, en somme, nous enjoint d'adopter. Et de ce fait, le prophète nous garantit. Et il nous dit, bibaytin fi wasatil jannah. Et là, les grands ulama, les grands théologiens, ils ont dit, le sens de bayt, qui est connu de tout le monde, une maison, ils ont dit, c'est pas le sens littéral, bayt, maison, mais le sens de bayt dans ce hadith, qasr, un palais au paradis. Quand le prophète ensemble nous dit, si vous délaissez le mensonge même en plaisantant, alors, il vous garantit un palais. Donc, il y a moyen d'avoir des palais au paradis. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخصرة الثالثة في الحديث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أي أنه ضامن بقصر عظيم في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وففي هذه الجملة الحث على محاسن الأخلاق وإنما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق Et ensuite la troisième catégorie et la dernière catégorie le prophète sallam nous dit et je vous garantis c'est le prophète sallam qui est le garant il se porte garant pour toute personne qui va avoir un bon comportement le prophète sallam se porte garant qu'il aura un palais, pas une simple maison, mais un palais dans les hauts degrés du paradis. Et littéralement, le prophète Ansem dit, je vous le traduis littéralement, le prophète Ansem dit, et je garantis un palais dans les hauts degrés du paradis pour celui qui parfait son comportement, pour celui qui aura un bon comportement. Donc le bon comportement, ce n'est pas quelque chose à négliger, à délaisser. Ça, regardez, parmi ces trois caractéristiques et trois qualités, le prophète Sansa m'a dit que ce bon comportement va mener la personne vers les plus hauts degrés du paradis. Et c'est pour cela que, pour terminer, regardez, le prophète Sansa dans un hadith nous dit « Inna ma bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq » J'ai certes été envoyé pour parachever les nobles comportements, les nobles caractères. Voilà pourquoi le prophète Sansa a été envoyé, sallallahu alayhi wa ala alihi, wa ala alihi wa sallam. Et regardez, dans un hadith, le prophète sallam nous dit, ma min shay'in athqalu fil mizan yawm al-qiyamah min husn al-khuluq. Il n'y aura pas une chose plus lourde sur la balance le jour de la rétribution, si ce n'est le bon comportement. Le bon comportement. Ne pas négliger. Fa ibadallah. Husn al-khuluq ya ibadallah. Yadullu ala 'idami sha'ni husn al-khuluq wa kabiri manzilati. فالجنة درجات بعضها فوق بعض وكلما ارتفعت الدرجة كان النعيم أكبر وأكمل فوسط الجنة أفضل من ربضها أي أسفلها وأعلى الجنة أفضل من وسطها وحسن الخلق يا عباد الله يكون مع الله جل وعلا بحسن عبادته مع الخلق بأن يبذل لهم المعروف بأن يبذل لهم المعروف فلنكن إخوة الإسلام من أهل الهمم العالية والمتطلعين إلى المقامات السامية فنتبع العلم العمل ونتخلق بهذه الخصال قدر الطاعة والاستطاعة جعلني الله وإياكم من ورثة جنة النعيم ومن أهل الدرجات العلى فيها إنه جواد كريم فنسأل الله جل وعلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك